Richesse, richesse, mon trésor d'amitié. Je t'ai retrouvé au ruisseau des montagnes. J'ai suivi les nuages dans les prés, les villages. T'as usé mes semelles sur des chemins parallèles. J'ai déjoué de mauvais sort, le soleil en témoigne. Mes yeux sont fatigués, mais je sais maintenant que rien ne sera plus comme avant. Non, rien ne sera plus comme avant. Ce sera pire, ce sera mieux, le temps des aveux, des adieux. Mais rien ne sera plus comme avant. Comme avant. Tristesse, tristesse, tu changes toujours d'adresse. Parfum de bungalow et soupir du métro. En désir naufragé, tombé au pied du lit. Tu chantes à corps perdu, voix rauque ou voix bénie. Tu ne m'as jamais appéri à parler simple et cru. Je t'ai donné ma faiblesse, je la reprends aujourd'hui. Car rien ne sera plus comme avant. Non, rien ne sera plus comme avant. Ce sera pire, ce sera mieux, le temps des aveux, des adieux. Mais rien ne sera plus comme avant. Promesse, as-tu d'autres prouesses? Offrir le brasier, 100 fois piétiner. Tu donnes que du vent à la main qui se tend. Et je vois disparaître l'innocence au printemps. Car rien ne sera plus comme avant. Non, rien ne sera plus comme avant. Ce sera pire, ce sera mieux, le temps des aveux, des adieux. Mais rien ne sera plus comme avant. Le temps des aveux, des adieux. Mais rien ne sera plus comme avant. Comme avant.